faire trac, bébé. Un petit fume, un grand lâche, ça devait rien dire, les petits veulent du respect. Tu fais chaud, tu restes pas gâte, la boca, j'ai ralasse la boca. J'ai cramé l'enveloppe, maintenant j'ai plus Warda. Alicante, Acapulco, je suis défoncé, je mets les couettes de Puka. Puka, Puka, danse le Mapuka. Il me faut des bonbons, je dois passer chez le Paca. Alors, comment va l'ami? Mets-moi un mélange, garde le reste et l'ami. Il sert les craquettes de la chapelle, je réponds pas quand les meufs m'appellent. Y'avait pas un, j'avais la dalle. Tu dis que tu vends, mais tu la vends juste pour fumer. Et qu'un client allait n'achat va te défoncer. A nous tu vends, mais moi je t'ai remonté. J'suis dans le bloc, bloc dit eux caché dans le fol, fol. On bosse au black, black, on fait des sous dans le bac. Y'a de la drogue à Acapulco, c'est de la bonne jaune fraîche comme du pulco. Vu la qualité, j'en mets un poquito. On n'arrange personne, même si t'es le poteau. Dans la couette, j'fais du tam tam, j'tire ses couettes. J'm'invite à ta fête, vas-y j'débarque, j'arrive tout de suite. J'ai pas de go, et ma go a pas de gars. Si t'es plein, on pas gaffe, et c'est pas grave. Si t'as pas nous, on donne, t'as besoin de téléphone. Depuis que j'ai 60, les gratteurs veulent des pubs. Ils ouvrent leur cul, me demandent sans scrupule. Mais moi j'ai rien vu, j'ai rien vu. Tu dis que tu vends, mais tu la vends juste pour fumer. Dis qu'un client allait n'achat va te défoncer. À nous tu mens, mais moi je t'ai remonté.